Heure oblige, l'émission prévue aujourd'hui est reportée toutefois. Je vous propose de réécouter des extraits de deux conversations récentes où M. X me parlait de l'Irak. Et d'abord sur l'aide massive que l'Occident a accordée à l'Irak en guerre contre l'Iran. Les États-Unis n'ont pas été en reste, alors même que l'Irak a été longtemps sur la liste des pays terroristes. C'est en 1982, si ma mémoire est bonne, que le président Reagan a pris la décision de rayer l'Irak de cette fameuse liste. Dans le même temps, les Américains ont multiplié leurs ventes d'armes aux Irakiens. Des armes toujours plus sophistiquées. D'abord dans le plus grand secret, et par l'intermédiaire de pays amis, puis plus ouvertement à partir du moment où les deux pays ont renoué des relations diplomatiques. Mmh. Les États-Unis soutenaient donc clairement l'effort de guerre irakien. Incontestablement. Et pourtant, aux yeux de la loi internationale, c'était l'Irak qui était l'agresseur. Oui, c'est pour cette raison, l'invasion du Koweït, que les mêmes Américains déclencheront la guerre du Golfe. Oui, mais au cours des années 80, Washington avait besoin de Bagdad pour contenir et affaiblir l'Iran. C'était toute la différence. J'ajoute que les Américains ne se sont pas contentés de livrer armes et matériel. Ils ont aussi fourni à Saddam Hussein d'énormes quantités de céréales. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un risque de pénurie alimentaire. La guerre, une guerre de 8 ans, je vous le rappelle, avait désorganisé l'économie irakienne et il fallait nourrir la population. Les États-Unis ont donc prêté des sommes faramineuses aux Irakiens afin qu'ils puissent acheter du blé chez eux, bien sûr. Bah oui, c'était tout bénéfice. Évidemment. Figurez-vous, ça tombait très bien pour le lobby céréalier américain qui ne pouvait plus vendre de blé à l'URSS depuis la mise en place de l'embargo consécutif à l'invasion de l'Afghanistan. Mmh. Mais la France n'était pas en reste. C'est juste. Mmh. Dans cette terrible guerre Irak-Iran, nous avions très clairement choisi le parti du premier belligérant. Ça ira même très loin puisque le président Mitterrand autorisera la mise à disposition de l'aviation irakienne de 5 super-étendards équipés de missiles Exocet. Ça permettra à Bagdad d'anéantir le terminal pétrolier iranien de l'île de Garg. Mmh. Mais on a aussi livré clandestinement des munitions à l'Iran pendant la guerre. Comme les Américains via Israël. Ce sera le fameux scandale de l'Iran Gate. Mmh. En fait, il ne faut pas se le cacher, les uns et les autres avaient intérêt à ce que cette guerre où des centaines de milliers d'hommes allaient périr dure le plus longtemps possible. Il fallait donc veiller à établir une sorte d'équilibre entre les deux belligérants. Et lorsque les Irakiens seront à leur tour en difficulté, les Américains n'hésiteront pas à leur fournir des informations recueillies par leurs satellites ou leurs avions de surveillance AWACS. Des informations sur les positions iraniennes. Bien entendu. Je crois que rarement l'Occident, tout l'Occident, n'a fait preuve autant de cynisme que dans cette affaire. Un seul détail, mais il est important. Pourquoi, par exemple, a-t-on accepté que des firmes allemandes et belges livrent à l'Irak des produits chimiques qu'ils ont utilisés pour gazer les troupes iraniennes qui montaient en masse à l'assaut dans la région de Bassora? De très jeunes gens, souvent. Et cet emploi des gaz s'est traduit par une hécatombe dans les rangs iraniens. Nous, occidentaux, avons donc contribué à doter l'Irak de ces moyens de destruction massive qu'on lui reproche aujourd'hui de dissimuler. C'est la vérité. Si Saddam Hussein a pu perfectionner ses missiles balistiques, c'est grâce aux ordinateurs livrés par les Américains. S'il a pu construire des usines d'armement un peu partout, c'est grâce à l'argent occidental et au transfert de technologie. Autre extrait. Pourquoi les armées alliées de la première guerre du Golfe n'ont-elles pas profité de leur succès pour aller jusqu'à Bagdad et chasser Saddam Hussein? Le plus étonnant, c'est ce qui s'est passé après. Après le cessez-le-feu, décidé unilatéralement par le président Bush. Et à la grande surprise de ses alliés. Et même des chefs militaires américains. Car l'armée de Saddam Hussein était alors complètement laminée, à l'exception de la garde républicaine. Qui était, il faut le rappeler, le corps d'élite, qu'il y a toujours d'ailleurs, le corps d'élite de l'armée irakienne. Oui, la garde prétorienne de Saddam Hussein. Très étrangement, les Américains avaient permis à ces unités militaires de s'échapper. En tout cas, d'un simple point de vue tactique, rien ne s'opposait à ce que les troupes alliées ne progressent jusqu'à Bagdad et renversent le régime. Pour finir le travail, comme on disait élégamment à l'époque. Oui, mais je vais plus loin. Il n'était peut-être pas même nécessaire de marcher sur Bagdad, tant le pays désorganisé échappait au pouvoir central. Souvenez-vous, au nord, les Kurdes se soulèvent et très rapidement, leurs combattants s'emparent de toutes les villes. Oui, puis au sud, il y a les chiites. Une véritable intifada. Dès lors, il n'y a plus d'autorité, la grande majorité des provinces irakiennes n'obéissent plus à Bagdad. Et si les conditions du cessez-le-feu sont strictement respectées, c'est-à-dire si l'armée de Saddam Hussein demeure contrainte à l'impuissance, il est évident que le régime baasiste va s'effondrer tout seul. Or, George Bush, contre toute attente, va sauver Saddam Hussein. Ouais, vous n'exagérez pas un peu, là ? Absolument pas. Écoutez bien, l'intifada chiite prend rapidement de l'ampleur dans les provinces du Sud. Les insurgés sont d'autant plus déterminés qu'ils pensent être encouragés par les Américains. Eh bien non. Lorsque Saddam Hussein demande aux généraux américains d'utiliser les hélicoptères de sa garde républicaine pour réprimer la rébellion, on lui répond positivement. On consent même à ce qu'il utilise son artillerie lourde. Ça se traduit forcément par un vrai massacre. Ouais, mais alors, comment expliquer ça ? La position officielle des Américains consistait à dire « Nous avons reçu un mandat des Nations Unies pour libérer le Koweït. Nous nous limitons là et nous n'avons pas à nous mêler des affaires intérieures de l'Irak. Surtout, nous ne voulons pas risquer la vie de nos soldats dans une guerre civile. » C'était parfaitement hypocrite. Ouais, je suis d'accord avec vous, ça ressemble à de la non-assistance à peuple en danger. Car grâce à leurs observations aériennes, les Américains n'ont rien ignoré des exactions commises par les troupes de Saddam. Des troupes qui, encore une fois, utilisaient l'arme chimique pour venir à bout de leur rébellion chiite. Mmh. Et au nord, chez les Kurdes ? C'est exactement le contraire qui va se passer. Des troupes américaines interviennent dès le mois d'avril pour protéger les Kurdes de la répression de Saddam Hussein. Et depuis, le Kurdistan est quasiment indépendant. Ouais, alors, deux poids, deux mesures. Oui, ça y ressemble. Mais ça s'explique très bien. Quand je vous ai dit que Bush avait sauvé le dictateur irakien, c'est objectivement vrai, puisqu'il suffisait aux Américains d'interdire à la garde républicaine d'entrer en action pour que les opposants chiites renversent le régime. Mais en réalité, ce qu'attendait le président américain, c'est que les généraux irakiens le débarrassent de Saddam Hussein. Parce qu'il croyait à la possibilité d'un putsch. Il l'espérait. Un putsch commis par des généraux sunnites, puisque ce sont les musulmans sunnites, pourtant très minoritaires, qui accaparent tous les postes de responsabilité. Alors, ça signifie que Bush voulait surtout éviter que les chiites arrivent au pouvoir. Oui, les Américains ne pouvaient pas accepter la création d'une deuxième république islamiste dans la région. Et pour se justifier, ils prétendront que les Iraniens se trouvaient derrière la rébellion chiite. Les Iraniens, c'est vrai ça ? Les Iraniens ne pouvaient qu'approuver cette rébellion de leurs frères chiites. Mais à ma connaissance, ils ne sont pas intervenus directement, ou alors très ponctuellement. Bush a sauvé Saddam Hussein malgré lui. C'est à peu près ça, ouais, mais je vais plus loin. Et c'est toujours valable aujourd'hui, d'ailleurs. On aurait pu imaginer que les Américains et leurs alliés, marchant jusqu'à Bagdad, éliminent Saddam Hussein et instaurent un régime démocratique. Que se serait-il passé ? Les chiites majoritaires dans le pays se seraient mathématiquement emparés du pouvoir. Ça n'était pas acceptable pour Washington. Tordu, tordu monde. Rendez-vous avec X. Saddam Hussein contre George W. Bush. À l'évidence, ce second conflit prend les allures d'un duel personnel entre les deux présidents. Et l'origine de cette haine tient peut-être dans une mystérieuse tentative d'assassinat qui aurait été perpétrée contre le père de l'actuel président des États-Unis. Rappel. Au mois d'avril 1993, George Bush Senior, qui n'est plus président des États-Unis depuis quelques mois, c'est une visite triomphale au Koweït pour commémorer la libération du pays 2 ans plus tôt. Il est reçu en héros et l'émir le décore. 3 semaines plus tard, les autorités koweïtiennes déclarent avoir éventé un projet d'assassinat visant l'ex-président américain au cours de sa visite dans l'émirat. Ce que confirme aussitôt à Washington un haut responsable de l'administration qui ajoute que Bagdad se trouvait derrière cette affaire. Et quel était le plan prévu ? D'après les koweïtiens, il y en avait plusieurs. 2 consistait à faire exploser des voitures piégées sur le parcours de l'ancien président. Un 3e prévoyait un attentat suicide. Un homme porteur d'explosifs qui se serait fait sauter dans l'immédiat entourage de Bush. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas qu'à Bagdad, on a aussitôt démenti toute implication dans cette affaire. Mais comment avait-on découvert ce complot ? Les autorités koweïtiennes ont affirmé que 1 mois avant la visite de l'ex-président, grâce à une source irakienne, ils avaient eu vent d'une tentative d'attentat contre Bush. Ils avaient donc pu intercepter les terroristes avant qu'ils ne puissent agir. Mmh. Ces hommes ont donc été arrêtés. Oui, une bonne dizaine. Et ils seront jugés assez rapidement. Mais avant, je voudrais vous dire que des enquêteurs du FBI ont été envoyés sur place. Et le rapport qu'ils enverront au président Clinton va revêtir une très grande importance. Enfin, n'allons pas trop vite. Des hommes sont donc arrêtés. 11 Irakiens et 3 Koweïtiens. Et ils reconnaissent leur culpabilité ? 2 d'entre eux, oui. Enfin, voyons dans quelles conditions ils ont été arrêtés. Très bizarre. Ils ont été pris par la police alors qu'ils marchaient dans le désert. Qui faisaient-ils ? Ils étaient tombés en panne d'auto et ils regagnaient l'Irak à pied. Curieux terroristes. Ouais, hein. Vous avez raison, parce qu'ils avaient abandonné leur 4x4. Le 4x4 où se trouvait en principe la bombe qui devait tuer George Bush. C'est de plus en plus bizarre. Ce n'est pas fini. 2 des hommes arrêtés, 2 Irakiens, sont donc passés aux aveux. Le premier, un certain Al-Ghazali, est un infirmier. Il affirme qu'il a été approché début avril par un agent des services secrets irakiens. Mmh. Et la visite de Bush, là, au Koweït, a eu lieu à quelle date exactement ? Là, mi-avril. Mmh. Ça ne laissait pas beaucoup de temps à cet infirmier, pour préparer son affaire. Hein. Un homme qui n'avait aucune expérience en matière de terrorisme, bah oui, et à qui on allait confier une mission de première importance. S'il ne réussissait pas à faire sauter sa voiture piégée, on lui avait même remis une ceinture d'explosifs qu'il devait s'attacher autour du corps, s'approcher le plus près possible de Bush et se faire sauter. Bah, c'est pas très crédible. Hein. Non, car les auteurs de ces attentats suicides reçoivent généralement un entraînement et surtout un long conditionnement psychologique. Mm-hmm. Et le deuxième, alors, à passer aux aveux ? Bon, c'était en principe le chef du commando, un nommé Al-Assadi. Lui, c'est un contrebandier notoire. Installé à Bassora, il traverse régulièrement la frontière koweïtienne avec de l'alcool, des armes ou encore du hashish. Il avoue simplement qu'un agent irakien lui a demandé de transporter des explosifs à Koweït City. Des bombes qui devaient perturber le voyage de Bush au Koweït. Mais prétend-il, il se serait débarrassé de la dynamite et des détonateurs après le passage de la frontière. Mais ces deux hommes-là et leurs éventuels complices, se sont-ils réellement rendus à Koweït City ou sont-ils tombés en panne avant ? Ils sont en principe allés à Koweït City. Je dis en principe parce que rien n'est clair dans cette affaire. Ce qui peut apparaître comme à peu près certain, c'est que les autres, ceux que vous appelez les complices, se sont vraiment rendus dans la capitale de l'Émirat, parce que c'était le but de leur voyage. En fait, c'était de simples voyageurs qui venaient au Koweït pour affaires ou pour rendre visite à des proches. Moi, j'ai l'impression que vous ne croyez pas beaucoup à la vraisemblance de cette affaire. Vous ne vous trompez pas. D'abord, il faudrait savoir dans quelles conditions les deux présumés terroristes sont passés aux aveux. La police du Koweït est plutôt réputée pour utiliser des méthodes musclées lors des interrogatoires. Oui, alors les deux hommes auraient pu être battus ou même torturés. Oui, tout à fait possible. Et ces aveux déjà fort invraisemblables auraient pu leur être extorqués. D'autre part, la personnalité des terroristes. Un infirmier et un contrebandier faisaient planer un soupçon d'amateurisme sur l'affaire. Les services irakiens, s'ils étaient en cause, n'auraient certainement eu aucun mal à trouver des gens plus expérimentés pour assassiner George Bush. Mais c'est la suite qui est intéressante. Le FBI, je vous l'ai dit, a envoyé des enquêteurs au Koweït. Oui, et ils ont rédigé un rapport. Rapport transmis au plus haut niveau à Washington. Ça me paraît normal, un attentat contre un ancien président américain, c'est pas rien. Hein. Je suis d'accord. Au terme de leur enquête, les agents du FBI concluent formellement que le commanditaire de l'attentat se trouve à Bagdad. Ouais, Saddam Hussein. Ah, il ne pouvait pas en être autrement. Mmh. Mais sur quelles preuves se fondent-ils ? D'abord, ils estiment que les aveux des terroristes sont sincères et ont été recueillis dans de bonnes conditions. Ouais, bon. Passons. Ensuite, ils font des comparaisons. La bombe retrouvée dans la voiture abandonnée par les terroristes contiendrait un explosif de même nature que celui saisi 2 ans plus tôt en Turquie sur un agent irakien. D'une fabrication très sophistiquée et n'aurait pu provenir que de l'arsenal d'un État. Ça, c'est déjà plus sérieux. Oui. Et enfin, les hommes du FBI ont analysé le dispositif électronique de mise à feu à distance et ils ont découvert qu'il s'agissait d'un modèle déjà utilisé par les Irakiens lors de la guerre du Golfe. En conclusion, c'est l'Irak, l'attentat est ici. Et Bill Clinton ne peut plus hésiter. Ça fait des semaines qu'on lui reproche de ne pas avoir décidé de représailles plus tôt, dès qu'on avait appris l'existence de cette tentative d'attentat contre son prédécesseur. Et pourquoi, alors, a-t-il hésité d'après vous ? Bon, d'abord parce que c'était sans doute dans son tempérament. Bill Clinton, alors tout jeune président, donnait sans cesse l'impression de ne pas savoir décider. Ensuite, il savait qu'il fallait particulièrement se méfier des informations provenant du Koweït. Rappelez-vous les bobards qu'on a colportés lors de l'invasion irakienne, les bébés qu'on arrachait des couveuses, non ? Il avait de bonnes raisons de douter. Oui, mais maintenant qu'il a ce rapport du FBI sous les yeux, il doit agir, c'est ça, non ? C'est ce qu'il va faire immédiatement. Le rapport est arrivé sur son bureau vers la fin juin. 2 jours plus tard, une 20aine de missiles Tomahawk à $1 million pièce sont tirés sur le siège des services secrets irakiens à Bagdad. Malheureusement, 3 des missiles ratent leur cible et une poignée de civils, dont un célèbre artiste, sont tués. Ouais, dommage collatéral. Ouais, mais l'opération est quand même tout bénéfice pour Clinton. Alors que sa cote de popularité fléchissait dangereusement, le voilà soudain requinqué et il gagne d'un seul coup 10 points. Seulement, l'affaire n'est pas terminée pour autant, car des journalistes américains n'ont pas manqué de soulever les bizarreries de ce dossier. Et même à la CIA, dans un document très confidentiel, on émet des doutes. C'est-à-dire, alors ? On soupçonne les Koweïtiens d'avoir purement et simplement inventé cette affaire. Mais dans quel but, alors ? Faire en sorte que l'épouvantail Saddam Hussein continue à faire peur et faire croire que l'Irak menaçait toujours les intérêts occidentaux au Moyen-Orient. Alors, selon vous, il s'agirait d'un montage ? C'est très vraisemblable. Et comme je suis également persuadé que les agents du FBI, qui ne sont pas plus bêtes que d'autres, ont sciemment marché dans la combine. Ouais, mais pour quelle raison, il faut dans, dans l'administration américaine, on n'avait pas admis la façon dont s'était terminée la guerre du Golfe. Ouais, le fait qu'on ait épargné Saddam Hussein. Oui, il y avait pas mal de gens qui étaient décidés à tout faire pour qu'on termine le travail, comme vous l'avez vous-même dit. Le poteau rose a été découvert par un de vos confrères américains, un journaliste d'investigation, Seymour Hersh. Un grand journaliste. Oui, il a d'abord démontré que les composants du dispositif électronique de mise à feu de la bombe était fabriqué à des centaines de milliers d'exemplaires à Taïwan. On en trouvait dans des jeux, des talkie-walkie, etc. Et pas seulement l'Irak. Donc, Et d'autre part, les experts qu'il a consultés lui ont affirmé que la bombe elle-même n'avait rien de sophistiqué et que n'importe qui avait pu la fabriquer. Les deux principales charges du rapport FBI s'écroulaient donc. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Que s'est-il passé entre les deux guerres du Golfe, les Américains ont-ils essayé de se débarrasser du dictateur irakien? Et quel a été le véritable rôle de la première commission des inspecteurs de l'ONU? C'est en 1991, quelques mois après la fin de la guerre du Golfe, qu'à la suite d'un accord avec Bagdad, l'ONU envoie en Irak une commission d'inspection. Sa mission est claire, il lui faut repérer les armes de destruction massive et les détruire. Pour ce faire, l'UNSCOM a le droit d'inspecter tous les sites et d'ouvrir tous les dossiers et d'installer des appareils de surveillance. Mais vous le savez bien, pendant 7 longues années, Irakiens et inspecteurs de l'ONU vont jouer à cache-cache. Les Irakiens vont aussi multiplier les obstacles pour échapper à ces contrôles. C'est ça. Et ils disent non sans raison que ces inspections constituent une violation flagrante de leur indépendance nationale. Bah, ils ont pourtant accepté. En 1991, ils n'avaient guère le choix. Et surtout, ils espéraient qu'en acceptant ces contrôles, le régime des sanctions qui étranglait leur pays serait finalement levé. Oui, mais en multipliant les obstacles... Ils n'ont fait que prolonger ces sanctions. C'est juste. Toutefois, il existait une autre raison qui expliquait la mauvaise volonté irakienne. Bagdad soupçonnait l'UNSCOM de dissimuler une véritable opération d'espionnage. Une opération menée essentiellement par la CIA. Oui, alors, qu'en était-il exactement? Remarquons d'abord qu'il y avait dans cette commission d'inspecteurs de l'ONU beaucoup d'Américains. Mais d'accord, mais enfin, étaient-ils pour autant des agents de la CIA? Alors, l'idée était biaisée dès le départ. Pour composer cette commission, il fallait faire appel à des experts, des spécialistes scientifiques, mais aussi des hommes rompus aux techniques de recherche du renseignement. Et où trouve-t-on ces types, sinon dans les services secrets? Alors, c'est presque naturellement que des agents de la CIA se sont glissés dans l'UNSCOM. Mais d'autre part, les inspecteurs qui travaillaient dans des conditions difficiles, à cause de l'hostilité permanente des Irakiens, avaient besoin de moyens sophistiqués pour vérifier si on ne les menait pas en bateau. Ah, je vois des moyens d'écoute, par exemple. Et je vous le demande une nouvelle fois, qui possédait ces systèmes perfectionnés? Ah oui, les services secrets. Mais en particulier, la puissante NSA, qui, grâce au réseau Echelon, avait déjà tissé une véritable toile d'araignée sur le monde entier. Et c'est ainsi, peu à peu, que la dérive s'est produite. La dérive. Oui. Alors que certains inspecteurs de l'UNSCOM travaillaient réellement à découvrir les sites des armes secrètes de Saddam Hussein, puis à détruire celles-ci, d'autres se livraient à une véritable opération d'espionnage. Mais si, je voudrais dire, pour dédouaner en partie les Américains, que ces derniers fournissaient aussi à l'UNSCOM des informations très précieuses. Leur système d'observation par satellite ou avion espion leur permettait d'informer utilement les inspecteurs. Ah, c'était donc pas à sens unique. Non. Mais ces manœuvres d'espionnage, là, quel était leur principal objectif? Les Américains avaient remarqué que les communications irakiennes utilisées par les gens chargés de l'armement... Vous voulez dire chargés de cacher cet armement? Oui, vous avez raison. Donc ces communications utilisaient un code identique à celui qui était employé par les hommes chargés de la sécurité du président irakien. Ah ouais, je vois. Par conséquent, s'il était possible de casser ce code, on saurait tout sur la sécurité de Saddam Hussein. Et c'est ainsi que les agents de la CIA ont introduit en Irak, sous couvert de l'UNSCOM, des scanners très perfectionnés et d'autres appareils d'écoute très sophistiqués. Certains de ces appareils ayant été fournis dans le plus grand secret par les Israéliens. Ah, les Israéliens, le secret, j'imagine. Pourquoi? Mais est-ce qu'ils sont parvenus à casser le code, là? Oui, c'est ainsi que les Américains ont pu avoir accès à des informations très précises sur l'Irak et ses services de sécurité. Mais les Irakiens, savaient-ils vraiment qu'ils étaient espionnés? Alors, certainement. La preuve, c'est qu'ils demanderont que les Américains ne fassent plus partie de l'UNSCOM, ce qui déterminera son chef à décider du départ des inspecteurs. Mais les hommes de la CIA ne se sont pas contentés de faire de l'espionnage, ils ont aussi tenté des manœuvres de manipulation. Ça signifie quoi, ça? Les Irakiens, je vous l'ai dit, n'ont cessé de semer des obstacles sur la route des inspecteurs de l'ONU. Mais réciproquement, ces agents secrets infiltrés pouvaient aussi se livrer à des provocations délibérées. Et dans quel but, là? Attiser la colère des Irakiens, par exemple. Le résultat, c'est que Bagdad rendait encore un peu plus difficile la tâche des inspecteurs et ça permettait aux États-Unis et aux Britanniques de répliquer à cette mauvaise volonté par des frappes aériennes. Des représailles qui étaient, si je puis dire, autant de piqûres de rappel pour Saddam Hussein. Et au moins à une occasion, cette politique de provocation visant à déclencher des frappes aériennes a été mise en œuvre pour aider les opposants irakiens. Les putschistes, hein? Oui, ceux de 1996. Mais il y a eu un manque de coordination et ça a raté. Ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard, car je vous l'ai dit, à Washington, on n'était toujours pas décidé à renverser Saddam Hussein. Alors, peut-être temps maintenant de m'expliquer, non? Volontiers. Pour les États-Unis, il importait d'abord que l'Irak, malgré ses divisions internes, divisions tribales, ethniques et religieuses, demeure tel qu'il était dans ses frontières actuelles. Parce que, non sans raison, les Américains ont longtemps considéré que si Saddam Hussein quittait le pouvoir, le pays risquait d'éclater. Oui, alors c'est pourquoi ils ont favorisé le statu quo. Et qu'ils n'ont jamais sérieusement envisagé de chasser Saddam Hussein. Ensuite, pendant toutes ces années, la lutte contre les dictateurs irakiens a surtout été un argument de propagande intérieure. À l'intérieur des États-Unis, vous voulez dire? Oui. Saddam Hussein était un épouvantail bien pratique. Pour les États du Golfe, qui étaient ainsi obligés de s'abriter sous le parapluie américain, mais aussi pour l'opinion publique américaine. Il fallait donc donner des gages à cette opinion en lui montrant qu'on travaillait à la chute du dictateur. En réalité, il n'en était rien. Enfin, c'est ce que je pense. Enfin, la troisième raison la plus importante, c'était le pétrole. Que s'était-il passé lorsque l'Organisation des Nations Unies a officiellement entériné l'accord pétrole contre nourriture? Eh bien, ça s'est traduit par la mainmise de la ressource pétrolière irakienne par les sociétés américaines. Les sociétés qui achetaient ce pétrole? Et contrôlaient sa production. Et ça continuerait tant que le régime des sanctions restait en place. C'était d'autant plus primordial pour les Américains que jusqu'à la guerre du Golfe, ils n'avaient jamais eu accès au pétrole irakien dont l'exploitation était dans les mains d'acteurs non américains. Vous comprenez maintenant? Oui, mais tout a changé désormais. Il n'est plus question pour Washington de respecter le statu quo, mais d'attaquer l'Irak. C'est juste, parce que le 11 septembre est passé par là et que les Américains se sont engagés dans une croisade antiterroriste qui présente Saddam Hussein comme un allié objectif d'Al-Qaïda. Mais croyez-moi, dans cette affaire, le pétrole n'est pas oublié. Et le lobby pétrolier américain qui a ses hommes à la Maison-Blanche entend bien se servir au cas où Saddam Hussein serait enfin renversé. À samedi prochain, je vous rappelle notre site internet franceinter.com.